braves gens. Je vous invite à prendre le temps de vous plonger dans un monde enchanté. Le rideau va se lever sur un décor de rêve éveillé. C'est simplement le dessin d'un enfant. Crayons et papiers, des yeux bien aiguisés. Un dessin d'enfant, c'est nous, vu du dedans. Soleil dessiné, c'est la joie d'être aimé. Un dessin d'enfant, c'est la vie simplement. Le magicien du crayon toujours commence par la maison. C'est important avec les rideaux blancs. Puis viennent les oiseaux verts. Pourquoi c'est évident, c'est plus clair. Pour les enfants, en vert c'est plus charmant. Crayons et papiers, des yeux bien aiguisés. Un dessin d'enfant, c'est nous, vu du dedans. D'être aimé, un dessin d'enfant, c'est la vie simplement. De lourds nuages tout bleus autour d'un beau soleil généreux. Un ciel tout jaune, ah ça c'est bien les mômes. Plic-ploc, ça tombe là-haut, de grandes et très jolies gouttes d'eau. En arc-en-ciel, un peu surnaturel. Crayons et papiers, des yeux bien aiguisés. Un dessin d'enfant, c'est nous, vu du dedans. Soleil dessiné, c'est la joie d'être aimé. C'est la